Dambo, Yabu, Yago, Yo, July, second year, second year, Yasan, Yasan, they were in it. We're not the Umadia, or Jabi Wame. 17 juillet 1999. Enseignement par le Vénérable Sayadaw ou Kundala Bivamsa. L'enseignement de clôture de cette retraite de méditation Vipassana portera sur les trois types de sensations que le méditant va expérimenter au cours de sa pratique. Le méditant va expérimenter trois types de sensations au cours de sa pratique Vipassana. Tout d'abord, les sensations désagréables, ensuite les sensations agréables et enfin les sensations qui ne sont ni agréables ni désagréables. Ce troisième type de sensation est également appelé les sensations neutres. À ces trois types de sensations correspondent trois types de dispositions latentes. La colère demeure à l'état latent dans les sensations désagréables. L'avidité demeure à l'état latent dans les sensations agréables et dans les sensations qui ne sont ni agréables ni désagréables, les sensations neutres, c'est l'ignorance qui demeure à l'état latent. Ce n'est que lorsque vous aurez réussi à vous débarrasser de ces trois impuretés, la colère, l'avidité et l'ignorance, que la réalisation de Magga le chemin, la réalisation de Pala le fruit et la réalisation de Nibbana, votre but, pourra se produire. Je répète, dans les sensations désagréables demeure la colère, dans les sensations agréables demeure l'avidité, et dans les sensations qui ne sont ni agréables ni désagréables, c'est l'illusion qui est latente et qui demeure. Pour vous débarrasser de la colère qui demeure dans les sensations désagréables, il faudra que vous observiez ces sensations désagréables, que vous observiez dukkha, la souffrance. Et quand la souffrance sera-t-elle la plus manifeste? La souffrance va se manifester de façon très manifeste au moment où vous aurez atteint le troisième stade de connaissance vipassana, appelé Samasana Jnana. Lorsque vous pratiquez en posture assise et que vous atteignez ce troisième stade de compréhension, ce que vous expérimenterez surtout, ce sont des sensations désagréables, douleurs, démangeaisons, vertiges, pression, lourdeur, nausée, etc. Vous devrez endurer toutes ces souffrances. Si vous réussissez à observer ces sensations désagréables et à les noter jusqu'au moment où vous les aurez surmontées, on peut dire que la tâche qui consiste à éliminer la colère qui demeure dans les sensations désagréables a été réalisée. Voyons maintenant comment il faut procéder pour observer ces sensations désagréables. Il y a trois façons d'observer les sensations désagréables. Premièrement, on les observe avec l'arrière-pensée, l'espoir qu'elles vont disparaître. Deuxièmement, on adopte une attitude agressive et dure face à la douleur, dans le but de la faire éclater en une séance ou en un jour. Et enfin, la sensation douloureuse est observée simplement pour percevoir sa véritable nature. Ce sont là les trois façons d'observer les sensations désagréables. Si vous adoptez la première attitude et que vous observez la sensation désagréable avec l'arrière-pensée de la faire disparaître, cela veut dire qu'il y a du désir dans votre esprit au moment où vous observez. Mais si vous pratiquez Vipassana, c'est justement pour vous débarrasser du désir. Si vous adoptez cette première attitude, Chaque fois que vous allez noter une sensation désagréable, le désir va surgir dans votre esprit. Le désir de la voir disparaître sera chaque fois associé à cette sensation. Chaque fois que vous noterez, l'impureté sera présente. Cela aura pour résultat que vous n'expérimenterez pas très rapidement le Dhamma. Vous ne progresserez que difficilement. Les connaissances vipassana ne vont pas se développer rapidement et il vous sera très difficile de réaliser le noble Dhamma. Cette première attitude n'est donc pas la bonne. Voyons maintenant la deuxième façon de noter les sensations désagréables. Vous vous durcissez et vous établissez en vous un état d'esprit agressif par rapport à cette sensation. Cet esprit agressif, c'est dosa, la colère, et domanasa, le mécontentement. Mais si vous pratiquez vipassana, c'est justement pour vous débarrasser de ces deux impuretés. En adoptant cette deuxième attitude, vous entretenez au contraire ces deux impuretés qui vont se manifester spontanément à chaque note mentale. Le résultat, c'est qu'il vous sera très difficile d'expérimenter le Dhamma, il vous sera très difficile de progresser, et vous n'atteindrez le noble Dhamma que très lentement. Il ne faut donc pas adopter cette deuxième attitude non plus. La troisième attitude consiste à observer les sensations désagréables dans le but de réaliser leur véritable nature. Cette troisième attitude est la bonne. Voir la véritable nature de la sensation désagréable, c'est voir qu'elles apparaissent et disparaissent constamment. C'est voir Udaya Beya, l'apparition et la disparition. La seule façon correcte d'observer les sensations désagréables, c'est de les voir apparaître et disparaître, c'est-à-dire réaliser leur véritable nature. Il est très important d'apprendre à noter de façon à percevoir la véritable nature des processus que l'on observe. Il vous arrivera parfois de voir que les sensations douloureuses augmentent d'intensité. Parfois, vous verrez au contraire que cette sensation douloureuse diminue d'intensité. Voir ces fluctuations, c'est voir la nature de la sensation désagréable. Si au moment où vous pratiquez vipassana, vous vous trouvez confronté avec des sensations très désagréables, vous devrez tout d'abord vous résoudre à être patient et tolérant. En général, ce qui se passe, c'est que le méditant a tendance à se tendre au niveau du corps et au niveau de l'esprit lorsqu'il se trouve face à des sensations douloureuses. Il faut essayer de ne pas en arriver là. Il faut essayer au contraire de se détendre, de se relaxer, et il ne faut pas avoir peur de porter son attention à l'endroit précis où la sensation désagréable se manifeste. N'ayez pas peur de focaliser votre attention au centre même de la douleur. Essayez de voir quelle est son intensité. Essayez de la localiser avec précision. Cette sensation est-elle superficielle au niveau de la peau? Ou s'enfonce-t-elle plus profondément dans la chair, dans les os, dans la moelle? Pour la cerner ainsi, il faudra que vous observiez avec beaucoup d'attention. Lorsque vous l'aurez ainsi localisée avec précision, que vous aurez vu son intensité, vous pouvez alors essayer de mieux la définir. Est-ce une démangeaison? Est-ce un picotement, un engourdissement, etc.? Lorsque vous aurez bien pris conscience de tout cela, vous allez noter une ou deux fois et vous verrez que cette sensation s'intensifie. Elle va devenir intolérable. Vous continuez à noter et vous verrez peut-être que cette sensation commence à diminuer. Mais si tel est le cas, ne relâchez pas votre attention, continuez à noter avec autant de concentration. C'est en procédant ainsi que vous pourrez voir les fluctuations de cette sensation douloureuse. Vous allez poursuivre votre observation pendant un certain temps, de la même façon. Le rythme va progressivement s'accélérer et il arrivera un moment où à peine aurez-vous noté la sensation douloureuse qu'elle va atteindre son paroxysme et soit diminuer d'intensité, soit changer de place. Voir tous ces changements, voir la sensation douloureuse qui s'intensifie, puis éventuellement diminue ou change de place, c'est réaliser la nature de la sensation douloureuse. Vous continuez à noter la nature de la sensation, votre attention va s'affiner de plus en plus, votre concentration va s'approfondir, mûrir, elle va devenir plus puissante, et vous serez bientôt en mesure de voir l'apparition et la disparition instantanée de la sensation douloureuse à chaque note mentale. Vous commencez alors à réaliser le phénomène de l'apparition et de la disparition de la sensation désagréable. Vous commencez à surmonter la sensation désagréable. À ce stade, en effet, ce n'est plus la douleur que vous observez, votre esprit est focalisé sur les apparitions et les disparitions. C'est ainsi que le méditant commence à surmonter la sensation désagréable. Mais ceci n'est cependant que le début. Vous devez poursuivre votre pratique. Votre concentration s'approfondit encore, elle devient plus mûre et plus forte. Et chaque fois que vous allez noter la sensation désagréable, son apparition va passer inaperçue. Par contre, vous verrez très clairement sa disparition. Chaque fois que vous allez la noter, ce que vous verrez, c'est la disparition de la sensation désagréable. Vous ne voyez plus l'apparition, vous ne voyez que la disparition. Lorsque vous en serez arrivé à ce stade, vous pouvez vous dire que vous avez réussi à surmonter de façon complète la sensation désagréable. Dès que vous aurez atteint ce stade, vous avez accompli la tâche qui consiste à éradiquer la colère qui demeure dans la sensation désagréable. Dès que le méditant aura réussi à surmonter la sensation désagréable en l'observant de cette façon, il va commencer à les trouver intéressantes, car il est capable de les observer sans éprouver la moindre douleur. Il peut noter sans que l'aversion ne se manifeste dans son esprit. Il a éradiqué la colère qui demeure dans la sensation désagréable. Ici se termine l'enseignement qui portait sur la façon dont il faut procéder pour surmonter les sensations désagréables et éliminer la colère qui est latente dans ce type de sensation. Nous allons parler maintenant de la façon dont il faut s'y prendre pour éliminer l'avidité qui est latente dans la sensation agréable. La sensation agréable va se manifester de façon prédominante lorsque le méditant aura atteint le quatrième stade de connaissance vipassana, appelé Udayabhayajnana, la connaissance de l'apparition et de la disparition. Ce stade de connaissance comporte deux étapes. La première étape est appelée la phase de fragilité et la deuxième étape est appelée la phase de maturité. Lorsque vous atteignez le stade de Udayabhaya, les apparitions et les disparitions ne seront pas encore très évidentes. Lorsque les sensations agréables commencent à se manifester, vous allez expérimenter la souplesse au niveau du corps et au niveau de l'esprit. Vous allez expérimenter la droiture au niveau du corps et au niveau de l'esprit. Vous allez expérimenter l'habileté du corps et de l'esprit. Lorsqu'il a atteint le stade de Udayabhayajnana, Le méditant, qui n'était pas capable de rester assis sans bouger pendant une heure lors des séances précédentes, va y parvenir. Et celui qui était capable de rester assis sans bouger pendant une heure précédemment sera maintenant capable de rester assis sans bouger pendant 2, 3 ou même 4 heures d'affilée. À ce stade, le méditant expérimente également le calme au niveau du corps et au niveau de l'esprit. Il expérimente la joie physique et mentale. Ce type de joie que le méditant expérimente à Udayabhayajnana est supérieur à toutes les joies que pourraient expérimenter les humains et même les êtres célestes. Dans les enseignements du Bouddha, il est question de cette joie et le méditant est maintenant en mesure de l'expérimenter directement par lui-même. Le méditant commence alors à prendre plaisir et à apprécier toutes ses expériences positives. C'est de cette façon que l'avidité apparaît associée à la sensation agréable. Ce n'est que lorsqu'il aura réussi à éliminer l'avidité qui demeure dans la sensation agréable que le méditant reprendra sa progression et qu'il pourra réaliser le noble Dhamma. Mais s'il ne réussit pas à abandonner l'avidité, il ne progressera pas et ne réalisera pas le noble Dhamma. Voyons maintenant comment il faut procéder pour éliminer l'avidité, l'attente dans la sensation agréable. Selon les enseignements du Bouddha, il faudra observer la sensation agréable jusqu'au moment où l'on verra qu'en réalité il s'agit de dukkha, la souffrance. Si le méditant réussit à le faire, il aura réussi à éliminer l'avidité, l'attente dans la sensation agréable. À Udayabhaya, le méditant expérimente donc le bonheur au niveau du corps et au niveau de l'esprit. La première chose à faire, c'est de voir si ce bonheur se manifeste de façon prédominante au niveau du corps ou au niveau de l'esprit. Si c'est au niveau du corps que l'on ressent la joie, il faut prendre conscience du bonheur physique. Si c'est au niveau de l'esprit, il faut prendre conscience du bonheur mental. La concentration va s'approfondir, elle va se renforcer, elle va mûrir, et le méditant va bientôt atteindre le stade de maturité de Udayabhaya. C'est la deuxième étape de ce stade. Lorsque vous serez arrivé à ce stade, lorsque la sensation agréable va se présenter, vous allez noter « agréable »,« agréable », et vous verrez que cette sensation agréable disparaît instantanément. À peine l'aurez-vous notée qu'elle aura disparu. L'apparition et la disparition vont se suivre très rapidement. Vous allez commencer à vous sentir oppressé par toutes ces apparitions et ces disparitions. Cette oppression, c'est dukkha, la souffrance. Vous devez noter toutes ces apparitions et ces disparitions et vous allez ressentir cela comme oppressant. C'est de cette façon que vous allez réussir à éliminer l'avidité qui demeure dans la sensation agréable. L'enseignement qui portait sur la façon dont il faut procéder pour éliminer l'avidité latente dans la sensation agréable se termine ici. Nous allons maintenant parler de la façon dont il faut procéder pour se débarrasser de l'ignorance qui est latente dans la sensation neutre, dans la sensation qui n'est ni agréable ni désagréable, que l'on appelle parfois la sensation d'équanimité. La sensation neutre, la sensation d'équanimité, va devenir très manifeste au moment où le méditant atteint le stade de connaissance vipassana appelé Sankharupekka Jnana, le stade de la connaissance résultant de l'équanimité. C'est l'équanimité par rapport aux formations. Pour que les méditants puissent juger par eux-mêmes du moment où ils auront atteint ce stade, le vénérable Mahasi Sayadaw a donné certaines explications concernant les expériences qu'ils sont susceptibles d'avoir à ce moment-là. Lorsque le méditant a atteint ce stade, il ne ressent plus ni crainte ni plaisir. Au cours de son cheminement, il aura en effet souvent expérimenté la peur ou même l'effroi. Mais à ce stade, l'effroi aura totalement disparu. Il est possible que le méditant ressente encore une certaine peur, mais elle ne sera plus paralysante. Et lorsqu'il expérimentera des sensations agréables, il ne se sentira plus très attaché à ces sensations. Il n'y aura plus ni terreur ni attachement. Tout sera ressenti de façon équanime, que ce soit agréable ou désagréable. Le méditant n'a plus de préjugés à propos des expériences qu'il vit. Une autre caractéristique de ce stade, c'est qu'il ne doit plus fournir d'efforts pour noter. Il peut tout observer spontanément, de façon automatique. Les objets d'attention se présentent tout naturellement à la conscience et il peut les noter très facilement. Les trois qualités qui se manifestent au stade de Sankarupeka sont donc l'absence de terreur et l'absence de plaisir, l'équanimité par rapport à tout ce qui se présente, toutes les situations, qu'elles soient agréables ou désagréables, sont ressenties de façon neutre, et enfin, il n'y a plus d'effort à fournir pour observer. Si vous constatez que vous possédez ces trois qualités, vous pouvez en conclure que vous avez atteint le stade de Sankarupeka Jnana, le stade de l'équanimité. À ce stade, les objets d'attention se manifestent donc automatiquement. Par exemple, le soulèvement et l'abaissement de l'abdomen vont vous apparaître spontanément à la conscience. L'esprit note spontanément, tout est très facile. Mais c'est alors que l'ignorance va commencer à s'infiltrer dans l'esprit. Moha, l'ignorance, demeure dans la sensation d'équanimité. Le Bouddha a expliqué comment il fallait s'y prendre pour éliminer Moha, qui est l'attente dans la sensation d'équanimité. Il faudra que le méditant note jusqu'au moment où il verra que cette sensation neutre est impermanente. Il faudra donc que le méditant note jusqu'au moment où le caractère impermanent de la sensation neutre va lui devenir évident. Mais il faut savoir que la sensation neutre n'est pas très claire. Du temps du Bouddha, les méditants disposaient en général d'un pouvoir de concentration bien meilleur que ce que les méditants connaissent aujourd'hui, et ils étaient capables de percevoir ces sensations neutres, ce qui actuellement n'est pratiquement plus le cas pour la majorité des méditants. Les commentateurs utilisent une métaphore pour faire comprendre de quelle façon ces sensations neutres passent inaperçues. Il y a une pierre plate au milieu du bois. Le chevreuil qui se promènerait sur cette pierre plate ne laissera pratiquement aucune empreinte. Les commentateurs expliquent que la sensation neutre est comparable aux empreintes que le chevreuil laisserait sur cette pierre plate. Mais celle que le chevreuil va laisser sur le chemin qui mène à cette pierre plate seront très claires. De même, les empreintes que le chevreuil laisse sur le chemin qui s'éloigne de la pierre plate sont très claires également. Les sensations agréables sont comparées aux empreintes laissées sur le chemin qui mène à la pierre plate, et les sensations désagréables sont comparées aux empreintes que laisse le chevreuil sur le chemin qui s'éloigne de la pierre plate. Les empreintes très peu visibles qui sont laissées sur la pierre plate sont comparées aux sensations neutres. Comme à notre époque, les méditants ne disposent plus d'un aussi bon pouvoir de concentration que du temps du Bouddha, et que d'autre part leurs paramitas sont moins développés, ils ne sont plus en mesure de noter les sensations neutres. Ils devront donc retourner à la pratique qui consiste à observer le soulèvement et l'abaissement de l'abdomen. Comme ils disposent déjà du fondement de Bhangajñāna, la dissolution, chaque fois qu'ils noteront soulèvement, ils pourront voir la dissolution furtive de ce processus, et chaque fois qu'ils noteront abaissement, ils verront la dissolution furtive de ce deuxième processus. Ils vont continuer à noter de cette façon, leur concentration va s'approfondir, va mûrir, et chaque fois qu'ils noteront le soulèvement de l'abdomen, ils verront disparaître également la conscience qui note ce mouvement. Et lorsqu'ils observeront l'abaissement de l'abdomen, ils verront non seulement la dissolution du mouvement physique, mais également la dissolution de la conscience de ce mouvement physique. Ils réalisent alors que les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen, qui sont des processus physiques, des processus qui appartiennent à la matière, ne sont pas permanents. Ils réalisent que la conscience de ces deux mouvements, processus qui appartient à l'esprit, n'est pas permanente non plus. Ils réalisent donc que ni le processus physique ni le processus mental ne sont permanents. Et c'est de cette façon que le méditant élimine l'ignorance qui demeure dans la sensation neutre. Il n'est plus ignorant, car il sait maintenant, par expérience, que tout est en état de flux, rien n'est permanent. Dès le moment où il aura réalisé anicca, l'impermanence, il aura réussi à éliminer l'ignorance qui demeure dans la sensation neutre. La connaissance, c'est la lumière. L'ignorance, ce sont les ténèbres. La lumière dissipe les ténèbres. Dès que le méditant a réussi à éliminer l'ignorance qui demeure dans la sensation neutre, il a atteint le stade de maturité de Sankharupekka Jnana. À partir de là, il va continuer sa progression et atteindre le stade suivant appelé Anuloma Jnana, la connaissance de l'adaptation ou de la conformité. C'est l'adaptation à quoi? C'est l'adaptation à la connaissance du chemin. Le méditant se met en résonance avec la connaissance du chemin Magga et du fruit Pala. Lorsqu'il aura franchi Anuloma Jnana, il va atteindre la connaissance suivante appelée Gotrabhu, la connaissance de la maturité. À ce stade, le méditant passe la frontière qui le sépare de l'existence noble. D'un être ordinaire, il devient un être noble. C'est un changement de lignage. Lorsqu'il aura franchi ce stade de maturité, il se dirige vers la connaissance du chemin de celui qui est entré dans le courant, Sotapatti Magga. Et lorsqu'il aura passé le stade de la connaissance du fruit, Pala, ce méditant sera devenu un Sotapanna à part entière, quelqu'un qui est entré dans le courant, et il ferme ainsi définitivement les portes des mondes inférieurs. Il a réalisé Nibbana, et ne risque plus de reprendre naissance dans ces mondes-là. Il ne reprendra plus naissance que 7 fois au maximum, après quoi il aura réalisé le Nibbana définitif. Ceci termine l'enseignement qui portait sur les 3 types de sensations. Conformément à ce qu'enseignaient les maîtres de méditation dans le passé et conformément aux paroles des commentateurs, le méditant ne devra pas abandonner la pratique lorsque la retraite se termine. Il ne doit pas se dire qu'il a enfin retrouvé sa liberté, qu'il peut rentrer chez lui et arrêter sa pratique. Lorsque vous rentrerez chez vous, vous devrez poursuivre votre pratique et continuer à noter. La fin d'une retraite, ce n'est pas l'arrêt de la pratique. Non, vous devrez continuer à noter jusqu'au moment où vous aurez atteint votre but. Vous devez également savoir que les effets de votre pratique, les résultats des efforts que vous avez fournis, ne vont pas disparaître. Si les processus physiques et mentaux que vous vous êtes efforcé d'observer au cours de cette retraite sont tous impermanents, il n'en va pas de même pour les effets des efforts que vous avez fournis. Les effets de votre pratique, les résultats de votre effort vont vous accompagner tout au long de votre existence samsarique, et ceci tant que vous n'aurez pas atteint le stade final de libération, le nibbana définitif. En d'autres termes, vous avez développé vos paramis, les perfections, qui vont se développer de plus en plus jusqu'au jour où vous atteindrez votre but. Ce sont ces paramis, ces perfections, qui vont vous permettre d'atteindre le nibbana par la réalisation progressive de toutes les connaissances vipassana. Ce que je voudrais vous expliquer ici, c'est que les efforts que vous avez fournis au cours de cette retraite vont porter des fruits, et ces fruits vont vous accompagner jusqu'à la fin. Les effets de votre effort ne disparaissent pas. Ici se termine l'enseignement qui portait sur les trois types de sensations. Essayez de mettre ces instructions en pratique. Puissiez-vous tous réaliser le noble Dhamma, l'état libre de toute souffrance. Puissiez-vous tous pratiquer avec naturel et aisance. Puissiez-vous tous développer rapidement la sagesse et réaliser votre but. Rayonnement de l'amour universel. Metta. Puissent tous les êtres vivants, dans les 10 directions, être heureux et en paix. Puissent-ils être libres de la souffrance mentale. Puissent-ils être libres de la souffrance physique. Apaisés physiquement et mentalement, puissent-ils assumer leur vie avec bonheur. Puissent tous les êtres vivants, dans les 10 directions, être heureux et en paix. Puissent-ils être libres de la souffrance mentale. Puissent-ils être libres de la souffrance physique. Apaisés physiquement et mentalement, puissent-ils assumer leur vie avec bonheur. Puissent tous les êtres vivants, dans les 10 directions, être heureux et en paix. Puissent-ils être libres de la souffrance mentale. Puissent-ils être libres de la souffrance physique. Apaisés physiquement et mentalement, puissent-ils assumer leur vie avec bonheur. Sadhu, sadhu, sadhu. ยาสิยาสกันเลยว่าเนี่ยเจ้าน่ะต้องมาได้เนี่ยนุติยะต้องมาเวบงนาจายะตะเพียงนาจายะตัวใดไรนาจิตจาวามะอัธุนัยยาทีเนี่ยมีรอโลชิยะต้องได้เตียรุเปียนเมตุโกทุกขะกะเตอินิยาဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုတွေ့ဘူးတော့ခြင်းဖြင့်ယင်းညာသွားဆက်ရောက်၏မြတ်မောင်ပြုနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း sadu sadu sadu